D'un côté, sur la vieille façade noire et ridée de la maison aux piliers, de l'autre, sur les bras de pierre du gibet. Parmi les mille visages que cette lueur teignait d'écarlate, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les autres absorbé dans la contemplation de la danseuse. C'était une figure d'homme austère, calme et sombre. Cet homme dont le costume était caché par la foule qui l'entourait ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Son front, large et haut, commençait à se creuser de rides. Mais dans ses yeux enfoncés, éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne, et tandis que la folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, sa rêverie à lui semblait devenir de plus en plus sombre. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres, mais le sourire était plus douloureux que le soupir. La jeune fille essoufflée s'arrêta enfin, et le peuple l'applaudit avec amour. « Djali !» dit la bohémienne. Alors Gringoire vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collier doré, qu'il n'avait pas encore aperçu, et qui était restée jusque-là accroupie dans un coin du tapis et regardant danser sa maîtresse. « Djali !» dit la danseuse. « À votre tour !» Et, s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque. « Djali ? » continua-t-elle. « À quel mois sommes-nous de l'année ?» La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au premier mois. La foule applaudit. « Djali ? » reprit la jeune fille en tournant son tambour de basque d'un autre côté. « À quel jour du mois sommes-nous ? » Djali leva son petit pied d'or et frappa 6 coups sur le tambour. « Djali !» poursuivit l'égyptienne toujours avec un nouveau manège du tambour. « À quelle heure du jour sommes-nous ? » Djali frappa 7 coups. Au même moment, l'horloge de la maison au pilier sonna 7 heures. Le peuple était émerveillé. « Il y a de la sorcellerie là-dessous !» dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chauve qui ne quittait pas la bohémienne des yeux. Elle tressaillit, se retourna, mais les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation. Ils l'effacèrent même si complètement dans son esprit qu'elle continua d'interpeller sa chèvre. « Djali, comment fait maître Guichard Grand-Rémy, capitaine des pistoliers de la ville, à la procession de la Chandeleur ?» Djali se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à bêler en marchant avec une si gentille gravité que le cercle entier des spectateurs éclata de rire à cette parodie de la dévotion intéressée du capitaine des pistoliers. « Djali ?» reprit la jeune fille enhardie par le succès croissant. « Comment prêche maître Jacques Charmolu, procureur du roi en cour d'église ?» La chèvre prit séance sur son derrière et se mit à bêler en agitant ses pattes de devant d'une si étrange façon que, hormis le mauvais français et le mauvais latin, geste, accent, attitude, tout Jacques Charmolu y était. Et la foule l'applaudit de plus belle. « Sacrilège ! Profanation !» reprit la voix de l'homme chauve. La bohémienne se retourna encore une fois. « Ah ! dit-elle, c'est ce vilain homme !» Puis, allongeant sa lèvre inférieure au-delà de la lèvre supérieure, elle fit une petite moue qui paraissait lui être familière, pirouetta sur le talon et se mit à recueillir dans un tambour de basque les dons de la multitude. Les grands blancs, les petits blancs, les targes, les liards à l'aigle pleuvaient. Tout à coup, elle passa devant Gringoire. Gringoire mit si étourdiment la main à sa poche qu'elle s'arrêta. « Diable !» dit le poète en trouvant au fond de sa poche la réalité, c'est-à-dire le vide. Cependant, la jolie fille était là, le regardant avec ses grands yeux, lui tendant son tambour et attendant. Gringoire suait à grosses gouttes. S'il avait eu le Pérou dans sa poche, Certainement il l'eût donné à la danseuse. Mais Gringoire n'avait pas le pérou, et d'ailleurs, l'Amérique n'était pas encore découverte. Heureusement, un incident inattendu vint à son secours. « T'en iras-tu, sauterelle d'Égypte ? » cria une voix aigre qui partait du coin le plus sombre de la place. La jeune fille se retourna effrayée. Ce n'était plus la voix de l'homme chauve, c'était une voix de femme, une voix dévote et méchante. Du reste, ce cri qui fit peur à la bohémienne mit en joie une troupe d'enfants qui rôdait par là. « C'est la recluse de la tour Roland !» s'écrièrent-ils avec des rires désordonnés. « C'est la sachette qui gronde ! Est-ce qu'elle n'a pas soupé ? Portons-lui quelques restes du buffet de ville !» Tous se précipitèrent vers la maison aux piliers. Cependant, Gringoire avait profité du trouble de la danseuse pour s'éclipser. La clameur des enfants lui rappela que lui aussi n'avait pas soupé. Il courut donc au buffet. Mais les petits drôles avaient de meilleures jambes que lui. Quand il arriva, ils avaient fait table rase. Il ne restait même pas un misérable camichon à 5 sols la livre. Il n'y avait plus sur le mur que les sveltes fleurs de lys entremêlées de rosiers, peintes en 1434 par Mathieu Biterne. C'était un maigre souper. C'est une chose importune de se coucher sans souper. C'est une chose moins riante encore de ne pas souper et de ne savoir où coucher. Gringoire en était là. Pas de pain, pas de gîte. Il se voyait pressé de toutes parts par la nécessité, et il trouvait la nécessité fort bourrue. Il avait depuis longtemps découvert cette vérité que Jupiter a créé les hommes dans un accès de misanthropie, et que pendant toute la vie du sage, sa destinée tient en état de siège sa philosophie. Quant à lui, il n'avait jamais vu le blocus si complet. Il entendait son estomac battre la chamade, et il trouvait très déplacé que le mauvais destin prit sa philosophie par la famine. Cette mélancolique rêverie l'absorbait de plus en plus lorsqu'un chant bizarre, quoique plein de douceur, vint brusquement l'en arracher. C'était la jeune Égyptienne qui chantait. Il en était de sa voix comme de sa danse, comme de sa beauté. C'était indéfinissable et charmant. Quelque chose de pur, de sonore, d'aérien, d'ailé pour ainsi dire. C'était de continuels épanouissements, des mélodies, des cadences inattendues. Puis, des phrases simples semées de notes aérées et sifflantes. Puis, des sauts de gamme qui eussent dérouté un rossignol, mais où l'harmonie se retrouvait toujours. Puis, de molles ondulations d'octaves qui s'élevaient et s'abaissaient comme le sein de la jeune chanteuse. Son beau visage suivait avec une mobilité singulière tous les caprices de sa chanson, depuis l'inspiration la plus échevelée jusqu'à la plus chaste dignité. On eût dit tantôt une folle, tantôt une reine. Les paroles qu'elle chantait étaient d'une langue inconnue à Gringoire et qui paraissait lui être inconnue à elle-même tant l'expression qu'elle donnait au chant se rapportait peu au sens des paroles. Ainsi, ses 4 vers dans sa bouche étaient d'une gaieté folle. Un coffre de gran ricchezza a la ronda entrò un pilar dentro del nuevas banderas con figuras de espantar. Et un instant après, à l'accent qu'elle donnait à cette stance, « Al arabes de caballo, sin poder se menear, con espadas y los cuelos, balesta de buenechar. » Gringoire se sentait venir les larmes aux yeux. Cependant, son chant respirait surtout la joie, et elle semblait chanter, comme l'oiseau, par sérénité et par insouciance. La chanson de la bohémienne avait troublé la rêverie de Gringoire, mais comme le cygne trouble l'eau, il l'écoutait avec une sorte de ravissement et d'oubli de toute chose. C'était depuis plusieurs heures le premier moment où il ne se sentit pas souffrir. Et le moment fut court. La même voix de femme qui avait interrompu la danse de la bohémienne vint interrompre son chant. « Te tairas-tu, cigale d'enfer ? » cria-t-elle toujours du même coin obscur de la place. La pauvre cigale s'arrêta court. Gringoire se boucha les oreilles. « Oh ! S'écria-t-il, mauvaise scie et bréchée qui vient briser la lyre !» Cependant, les autres spectateurs murmuraient comme lui. « Au diable la sachette !» disait l'un d'eux. Et la vieille trouble-fête invisible eût pu avoir à se repentir de ses agressions contre la bohémienne, s'il n'eût été distrait en ce moment même par la procession du pape des fous, qui, après avoir parcouru force rue et carrefour, débouchait dans la place de Grève avec toutes ses torches et toute sa rumeur. Cette procession que nos lecteurs ont vu partir du palais s'était organisée chemin faisant et recrutée de tout ce qu'il y avait à Paris, de maraudes, de voleurs oisifs et de vagabonds disponibles. Aussi présentait-elle un aspect respectable lorsqu'elle arriva en Grève. D'abord marchait l'Égypte. Le duc d'Égypte en tête, à cheval, avec ses comtes à pied lui tenant la bride et l'Éden. Derrière eux, les Égyptiens et les Égyptiennes pêle-mêle avec leurs petits-enfants criant sur leurs épaules. Tous, ducs, comtes, menus peuples, en haillons et en oripeaux. Puis c'était le royaume d'Argot, c'est-à-dire tous les voleurs de France, échelonnés par ordre de dignité, les moindres passant les premiers. Ainsi défilaient, quatre par quatre, avec les divers insignes de leur grade, dans cette étrange faculté, la plupart des éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots, les courteaux de boutanche, les coquillards, les hubins, les sabouleux, les calots, les francs mitoux, les polissons, les piètres, les capons, les malingreux, les rifaudés, les marcandiers, les narquois, les orphelins, les archisuppôts, les cagous, dénombrement a fatigué Homère. Au centre du conclave des cagous et des archisuppôts, on avait peine à distinguer le roi de l'Argot. Le grand coëstre, accroupi dans une petite charrette traînée par deux grands chiens. Après le royaume des Argotiers, venait l'Empire de Galilée. Guillaume Rousseau, empereur de l'Empire de Galilée, marchait majestueusement dans sa robe de pourpre tachée de vin. Précédé de baladins s'entrebattant et dansant des pyriques, entouré de ses massiers, de ses suppôts et des clercs de la chambre des comptes. Enfin venait la basoche, avec ses mets couronnés de fleurs, ses robes noires, sa musique digne du sabbat et ses grosses chandelles de cire jaune. Au centre de cette foule, les grands officiers de la confrérie des fous portaient sur leurs épaules un brancard plus surchargé de cierges que la chasse de Sainte-Geneviève en temps de peste. Et sur ce brancard resplendissait, crossé, chapé et mitré, le nouveau pape des fous, le sonneur de cloches de Notre-Dame, Quasimodo, le bossu. Chacune des sections de cette procession grotesque avait sa musique particulière. Les Égyptiens faisaient détonner leurs balafos et leurs tambourins d'Afrique. Les Argotiers, race fort peu musicale, en étaient encore à la viole, au cornet à bouquin et à la gothique rubèbe du XIIe siècle. L'Empire de Galilée n'était guère plus avancé. À peine distinguait-on dans sa musique quelques misérables rebecs de l'enfance de l'art, encore emprisonnés dans le ré lami. Mais c'est autour du pape des fous que se déployaient, dans une cacophonie magnifique, toutes les richesses musicales de l'époque. Ce n'était que dessus de rebec, haute contre de rebec, taille de rebec, sans compter les flûtes et les cuivres. Hélas, nos lecteurs se souviennent que c'était l'orchestre de Gringoire. Il est difficile de donner une idée du degré d'épanouissement orgueilleux et béat où le triste et hideux visage de Quasimodo était parvenu dans le trajet du palais à la grève. C'était la première jouissance d'amour-propre qu'il eût jamais éprouvée. Il n'avait connu jusque-là que l'humiliation, le dédain pour sa condition, le dégoût pour sa personne. Aussi, tout sourd qu'il était, savourait-il en véritable pape les acclamations de cette foule qu'il haïssait pour s'en sentir haï. Que son peuple fût un ramas de fous, de perclus, de voleurs, de mendiants, qu'importe, c'était toujours un peuple, et lui, un souverain. Et il prenait au sérieux tous ces applaudissements ironiques, tous ces respects dérisoires, auxquels nous devons dire qu'il se mêlait pourtant dans la foule un peu de crainte fort réelle. Car le bossu était robuste, car le bancal était agile, car le sourd était méchant. Trois qualités qui tempèrent le ridicule. Du reste, que le nouveau pape des fous se rendit compte à lui-même des sentiments qu'il éprouvait et des sentiments qu'il inspirait, c'est ce que nous sommes loin de croire. L'esprit qui était logé dans ce corps manqué était nécessairement lui-même quelque chose d'incomplet et de sourd. Aussi, ce qu'il ressentait en ce moment était-il pour lui absolument vague, indistinct et confus. Seulement, la joie perçait, l'orgueil dominait. Autour de cette sombre et malheureuse figure, il y avait rayonnement. Ce ne fut donc pas sans surprise et sans effroi que l'on vit tout à coup, au moment où Quasimodo, dans cette demi-ivresse, passait triomphalement devant la maison au pilier, un homme s'élançait de la foule et lui arrachait des mains, avec un geste de colère, sa crosse de bois doré, insigne de sa folle papauté. Cet homme, ce téméraire, c'était le personnage au front chauve qui, le moment auparavant, mêlé au groupe de la bohémienne, avait glacé la pauvre fille de ses paroles de menaces et de haine. Il était revêtu du costume ecclésiastique. Au moment où il sortit de la foule, Gringoire, qui ne l'avait point remarqué jusqu'alors, le reconnut. « Tiens, dit-il avec un cri d'étonnement, c'est mon maître en Hermès, Don Claude Frollo, l'archidiacre. Que diable veut-il à ce vilain borgne? Il va se faire dévorer. » Un cri de terreur s'éleva en effet. Le formidable Quasimodo s'était précipité à bas du brancard, et les femmes détournaient les yeux pour ne pas le voir déchirer l'archidiacre. Il fit un bond jusqu'au prêtre, le regarda et tomba à genoux. Le prêtre lui arracha sa tiare, lui brisa sa crosse, lui lacéra sa chape de clinquant. Quasimodo resta à genoux, baissa la tête et joignit les mains. Puis, il s'établit entre eux un étrange dialogue de signes et de gestes, car ni l'un ni l'autre ne parlait. Le prêtre debout, irrité, menaçant, impérieux, Quasimodo prosterné, humble, suppliant. Et cependant, il est certain que Quasimodo eût pu écraser le prêtre avec le pouce. Enfin, l'archidiacre, secouant rudement la puissante épaule de Quasimodo, lui fit signe de se lever et de le suivre. Quasimodo se leva. Alors, la confrérie des fous, la première stupeur passée, voulut défendre son pape, si brusquement détrôné. Les Égyptiens, les argotiers et toute la basoche vinrent japper autour du prêtre. Quasimodo se plaça devant le prêtre, fit jouer les muscles de ses poings athlétiques et regarda les assaillants avec le grincement de dents d'un tigre fâché. Le prêtre, repris à sa gravité sombre, fit un signe à Quasimodo et se retira en silence. Quasimodo marchait devant lui, éparpillant la foule à son passage. Quand ils eurent traversé la populace et la place, la nuée des curieux et des oisifs voulut les suivre. Quasimodo prit alors l'arrière-garde et suivit l'archidiacre à reculons. Trapu, hargneux, monstrueux, hérissé, ramassant ses membres, léchant ses défenses de sanglier, grondant comme une bête fauve et imprimant d'immenses oscillations à la foule avec un geste ou un regard. On les laissa s'enfoncer tous deux dans une rue étroite et ténébreuse, où nul n'osa se risquer après eux, tant la seule chimère de Quasimodo, grinçant des dents, embarrait bien l'entrée. « Voilà qui est merveilleux, » dit Gringoire. « Mais où diable trouverai-je à souper ?